Salut Phil. Par contre, je suis en mono parce que j'ai pas trouvé une solution. C'est l'iPhone qui passe dans la. J'arrive pas à récupérer. Un caillou, quoi. Attention. Et c'est pas du 110. Ça. Bon, j'arrive pas à y caler, merde. J'arrive pas. Alors attends, ça c'est en. Attends. Bonjour. Besoin d'un petit coup de pouce pour manger plus de fruits? Prenez ce smoothie innocent. L'air de rien, elle a réussi à faire rentrer tous ses fruits dans cette bouteille. Ça et c'est oui, pour Coco. C'est pour Coco, ça. Allez, si tu le cales, je te fais une pizza. Salut Titi. Ouais, c'est du 60. Ça, c'est un balade style de Benetti. À 60. J'ai mal à caler par contre, c'est super balèze. Tout à l'heure j'ai réussi, j'ai un sacré truc. Il y en a un qui me sent 60. Voilà. Sinon ça marchera pas si je balance un truc. Voilà, on va essayer. Putain, c'est impossible. Putain, c'est dur. C'est impossible. Bon, j'arrête, ça marche pas. Bon, merci, désolé, excusez-moi. Je peux pas, il faudrait que je les enregistre, j'arrive pas à les enregistrer. T'as 60, ça va pas être évident à caler, hein. En fait, si, tu peux le télécharger, mais il faut la payer, quoi. Ce qui est normal. Et par contre, il fait des super backing tracks, ce mec. Bon, ben, non, à caler comme ça, je peux pas. Il faudrait que je télécharge. C'est dommage, hein. Bon, j'arrive pas. Ils sont où les fichiers? Download Helper Plugin. J'ai pas Firefox, je peux pas. Bien de se moquer, hein. Attends, tu me l'as mis où le fichier? Ah ouais, d'accord. Je vais casser ma moto, moi. Dans le tiroir du bas, il t'a dit avec les chaussettes. Écoutez. Ça, c'est mon adresse personnelle. La voilà. Enfin, sur Skype. Celle-là, je suis sûr d'avoir les fichiers. Faites chier, Skype. Il me demande des sous, Skype, en plus. Ce soir, mais alors pas aujourd'hui. Ah putain, non, pas aujourd'hui. J'en avais un truc, je l'ai effacé. Putain, j'avais un logiciel qui enregistrait tout sur YouTube. Pas grave en français. Ça m'a fait chier, ça marchait pas bien. Allez, une petite chanson, les gars. J'aime bien parce que. Ah, salut, Bilos. Et il y a. C'est qui se lève de son siège? On entend tous les bruits. T'sais. On entend le mec qui ouvre la housse de la guitare, ça. On entend qu'il va au chiot. Coupe le micro quand. Oh oh. Ouais, je sais. Fichier ouvert. Avertissement. Ceci est un virus. Voulez-vous l'installer? Oui. En français? Oh bah oui, si possible. Autant que le virus soit en français, comme ça je comprends. Non. Bon, moi, je commence vraiment à en avoir marre. Le roi du peer-to-peer, je télécharge.

Thank you.